Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 18 juillet 2016. En voici les grandes articulations. Les quartiers Niakabiga 1 et 2 sont dans le noir depuis 3 jours. Leurs habitants demandent à la régie des eaux de rétablir le courant électrique le plus rapidement possible. Au sein de cette entreprise de distribution d'eau et d'électricité, l'on parle d'une panne qu'ils sont en train de réparer. À la une de l'actualité sportive burundaise, 9 athlètes représenteront le pays aux prochains Jeux olympiques de Rio au Brésil le mois prochain. Des enseignants de la province, des provinces scolaires de Rutana et Gitega s'insurgent contre un redéploiement décidé par le ministère de tutelle. Ils craignent une dislocation imminente des familles. Et le 18 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale dédiée à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Le Mandela Day a été décidé par l'ONU en 2009 pour les nombreuses réalisations de cette icône mondiale. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, une personne qui a été tuée vendredi dernier à Kagwema, commune Gihanga de la province Bubanza, par un militaire portait un arc et des flèches, selon le porte-parole de l'armée burundaise. Le colonel Gaspard Baratouza explique qu'un militaire a tiré sur cette personne, considérée par la population comme un malade mental, puisqu'elle venait de blesser 5 personnes avec ses flèches. Il ajoute qu'elle voulait prendre aussi l'arme du militaire. Le colonel Gaspard Baratouza, joint au téléphone par Blaise Célestin Diokougaï. Au fait, c'était le 15 juillet 2016, vers 17h à Kagwema, où il y a une personne qui était armée d'un arc avec des flèches qui a commencé à déstabiliser la population à cet endroit appelé Kagwema. Il y avait un militaire en passant qui était en tenue civile. Au moment où il était à cet endroit, il a vu une population qui était massée et au moment où il allait demander de quoi il s'agit, il a trouvé qu'il y avait une personne armée d'arc avec des flèches qui avait déjà blessé 5 civils. Arrivé, lui aussi a été agressé au niveau de la tête par une flèche tirée par cette même personne. Alors, il a averti par un message à ses collègues qui sont sur une position tout proche. Et 2 sont intervenus, arrivés pour secourir cette population qui était presque prise en otage. Arrivés là-bas, ces mêmes 2 militaires n'ont pas été épargnés puisque l'agresseur a encore une fois armé pour tirer sur ces militaires qui ont eu le réflexe de tirer des cartouches en l'air pour que si jamais il a un problème particulier, il pourrait laisser faire ses actes ignobles. Alors au lieu de laisser, il s'est précipité sur un des militaires pour le désarmer, pour qu'il utilise à d'autres fins. Vous comprenez qu'il doit utiliser sa méthode pour se défendre. Comment est-ce que vous considérez l'arc et les flèches? L'arc avec des flèches, c'est une arme qui tue, une arme qui est prohibée, une arme qui n'est pas conseillée dans la population puisque ça tue. Raison pour laquelle quiconque nous écoute, qu'il sache que l'arc avec des flèches, c'est une arme qui est déconseillée à ne pas utiliser. Le colonel Gaspard Baratouza et les habitants des collines Nyamugari, Kigoma et Karunyinya, toutes de la commune de Buhiga de la province Karuzi, ne s'entendent pas sur l'exploitation du marais de Nyamugari. Actuellement, ils se présentent dans ce marais avec des armes blanches, ceux de Nyamugari et Kigoma craignant d'être attaqués par ceux de Karunyinya, les propriétaires de ce marais. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, Karuzi, indique en collaboration avec l'administration communale, ils viennent de décider un partage équitable de ce marais. Les exploitants actuels de ce marais de Nyamugari, près du chef-lieu de la province Karusi, craignent être attaqués par les habitants de la colline Karunyinya, qui disent être les anciens propriétaires. Ce qui fait que tous se présentent dans ce marais avec des armes blanches, des machettes, des serpettes et des coups de matraque. Les habitants des collines Kigoma et Nyamugari, composés en majorité par des déplacés, affirment qu'ils exploitent son marais de Nyamugari depuis une dizaine d'années. Ils signalent qu'ils ont acquis son marais de la part de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage de Karuzi. Mais les habitants de la colline Karunyinya, frontalière de la colline Nyamugari, déclarent en être propriétaires, expliquant que c'est eux qui exploitaient son marais avant la crise de 1993, afin qu'il ne s'exile vers la Tanzanie. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage affirme que ce marais de Nyamugari, près du chef-lieu de la province Karusi, avait été réattribué à ces nouveaux habitants du chef-lieu de la province il y a une dizaine d'années, et cela après son aménagement, dit-il. Gustave Majambele, indique qu'en collaboration avec l'administrateur communal de Wuhiga, ils ont décidé que son marais soit partagé à tous ses habitants, nouveaux et anciens acquéreurs, pour leur cohabitation pacifique. Il affirme que cette décision sera mise en vigueur depuis ce lundi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Kararumiye. Éducation, les enseignants de la province scolaire de Gitega ne sont pas du tout satisfaits par la décision du ministre de l'enseignement de base et secondaire visant à les redéployer une fois de plus. Ils disent que c'est une décision qui ne leur avantage en rien du moment qu'il y en a qui ont été affectés loin de leur domicile. Ils font savoir qu'il leur sera difficile de se rendre au travail tous les jours. Arthur Kavaouchi. Selon les enseignants que nous avons rencontrés au bureau du DP à Gitega et qui étaient venus faire des recours sur leur nouveau lieu d'affectation, la ministre ayant l'enseignement de base et secondaire dans ses attributions devrait refaire le redéploiement. Il faut savoir que l'explication de ce redéploiement n'est pas du tout fondée. Ils indiquent que pour que le personnel non effectif soit réparti dans les écoles qui n'ont pas d'enseignants. Cependant, ces enseignants disent qu'il leur sera difficile de s'exécuter du fait que beaucoup d'entre eux ont été affectés loin de leur domicile. Il faut savoir qu'il leur sera quasi impossible d'enseigner sans qu'ils soient au courant de la situation de leurs enfants, du moment qu'il y en a ceux qui doivent allaiter. Excepté cela, ils indiquent que même la qualité de l'enseignement va sensiblement baisser car ils vont arriver en retard au service et partant, même les programmes ne seront pas épuisés. Une autre chose dont disent ces enseignants, c'est qu'il y a eu des penchants dans la sélection de ceux qui seront redéployés. Ce n'est même ceux qui viennent de passer plus de 10 ans dans l'enseignement se sont vus affectés à des distances énormes qui ne pourront pas y rendre. Sachez que la commission en charge de faire ce redéploiement est composée par le gouverneur, le directeur provincial de l'enseignement, l'inspecteur provincial de l'enseignement ainsi que les directeurs communaux de l'enseignement. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Éducation toujours. Le syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi Steb en province de Rutana s'insurge contre le redéploiement opéré dans cette province. Antoine Manouma, représentant provincial de ce syndicat et qui n'a pas été associé à cette opération, dit que le critère cohésion familiale n'a pas été pris en compte. Selon lui, le ministère de l'Éducation devrait tout faire pour éviter la dislocation des familles. Et Ngozi, 26 lauréats des lycées à enseignement général et technique de cette province de Ngozi ont réussi le test donnant accès à la faculté de médecine, promotion 2014-2015. Tous ces élèves proviennent de 6 établissements secondaires à enseignement général sur les 32 que compte la direction provinciale de l'enseignement de Ngozi. Lancement d'un nouveau passeport africain dimanche lors de l'ouverture du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali. Au cours du même sommet, ce passeport sera délivré aux chefs d'État et aux fonctionnaires de l'Union africaine. Selon le site internet de la BBC, d'ici 2018, l'Union africaine a souhaité voir les pays africains délivrer ce passeport aux citoyens ordinaires. Aubin Nyonguru. Au cours de ce 27e sommet de l'Union africaine, ce passeport africain sera délivré aux chefs d'État, aux fonctionnaires et ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine selon le site internet de BBC. Ce passeport va faciliter la libre circulation au sein du continent africain. Les titulaires de ce passeport vont recevoir un visa valable de 30 jours à leur arrivée dans tous les pays membres de l'Union africaine, ce qui va contribuer à la réalisation du rêve de la libre circulation des Africains sur le continent. L'autre principal sujet sur lequel ce sommet va se pencher ce lundi, c'est notamment la succession de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. À ce sujet, les chefs d'État ont étudié une demande de report de l'élection du nouveau président de cette organisation déposée par les pays de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby, estime qu'il n'y a pas de fondement juridique pour enclencher un report. Merci Aubin Nyonguru. Je vous l'avais dit, les habitants des quartiers Nyakabiga 1 et 2 viennent de passer 3 jours sans courant électrique. Ils se plaignent qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils ne sont pas alimentés en électricité comme d'autres quartiers et déplorent déjà de grandes pertes. Les habitants des deux quartiers demandent à la régie des eaux de résoudre le problème dans les meilleurs délais. À la régie de distribution d'eau et d'électricité, l'on dit que les équipes techniques sont à l'œuvre pour réparer la panne. Mais l'on ne précise pas pourtant quand les habitants d'Onyakawiga 1 et 2 reverront la lumière dans leur quartier. Et la mendicité persiste dans la ville de Bujumbura, malgré la mesure qui avait été prise par la mairie de faire quitter les mendiants dans les rues du centre-ville. Ces mendiants disent qu'ils n'ont d'autre source de revenus que d'être présents dans les rues pour quémander. Ils demandent qu'on leur vienne en aide. En actualité mondiale, ce 18 juillet, le monde célèbre la journée mondiale dédiée à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela ou le Mandela Day. En l'honneur du travail effectué par cet ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté, tel que l'a décidé en novembre 2009 l'Assemblée générale des Nations Unies. Mireille Kanyang. I have fought against white domination and I have fought against black domination. Premier président noir d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, prix Nobel de la paix en 1993, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela est un dirigeant qui a su gagner le cœur de la minorité blanche dont il avait combattu le pouvoir. Né le 18 juillet en 1918, le père de la nation arc-en-ciel a mené sa lutte anti-apartheid au sein de l'African National Congress, ANC, en partie politique modérée de la bourgeoisie noire dont il devient président en 1991. Prisonnier durant 27 ans, le président Nelson Mandela, dit également Madiba, est également connu pour son combat contre la violence dans le monde. Au Burundi, l'on se souviendra du président Nelson Mandela car c'est grâce à lui que les protagonistes dans le conflit burundais ont fait un grand pas en avant jusqu'à la signature des accords d'Arusha en août 2002 sur la paix et la réconciliation après la mort de l'ancien président tanzanien Julius Nyerere. Lors de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi, une médaille de reconnaissance a été décernée à feu président Nelson Mandela. En cette journée, l'ONU exhorte le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de commémorer le Mandela Day. It is an ideal for which I am prepared to die. C'était Mireille Kanyange qui nous parlait de cette journée consacrée à Nelson Mandela. En actualité sportive, 6 garçons et 3 filles, ce sont les 9 athlètes qui représenteront le Burundi aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil à partir du 5 août prochain. Les autorités du Comité National Olympique expliquent que les préparatifs vont bon train. L'actualité sportive avec Évariste Nzikobanyang. Les athlètes burundais qui vont participer aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, il s'agit de Francine Niyonsaba et Antoine Gakeme qui vont compétir aux 800 mètres. Diane Nukuri, Abraham Niyonguru et Celestin Nijimbere seront candidats au marathon de 42 000 mètres. Olivier Irabaruta va compétir aux 5 000 et 10 000 mètres. La natation aura deux participants burundais, à savoir Irakoze Billy Scott et Uwamahoro Elti. Le judo mondial va voir la participation féminine burundaise avec Antoinette Kasongo. C'est la première fois que le Burundi soit représenté par 9 athlètes aux Jeux Olympiques, indique Salvatore Vigirimana, vice-président du Comité national olympique du Burundi. Quelque chose de nouveau, c'est que pour la première fois depuis que le Burundi participe aux Jeux Olympiques, le Burundi est représenté par 9 athlètes, ce qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent. La deuxième chose, c'est que nous avons des athlètes qui sont nombreux à avoir été qualifiés, 6, spécialement en athlétisme, ce qui est une très très bonne chose. Donc voilà, deux choses importantes, le nombre élevé et des athlètes qui se sont qualifiés et qui ont la chance d'avoir une médaille au moins. Les préparatifs vont bon train selon le vice-président du Sénat, même si 7 sur 9 athlètes ne sont pas au pays. Le vice-président du Sénat burundais qui sera président de la délégation a l'espoir que toute la délégation sera au Brésil le 30 juillet pour que les athlètes s'adaptent au climat. Les Jeux commencent le 5 août, c'est là l'ouverture officielle. Le chef de mission, il arrive le 28 pour qu'ils commencent à organiser l'arrivée de la délégation burundaise. Le 29, c'est juste pour voir, là, ils vont dormir, les répartir dans les chambres. Et à partir du 30, les premiers vont arriver. Donc, du 30 au 5, il y a la préparation, évidemment, de la cérémonie d'ouverture, mais il y a également les entraînements qui vont continuer. Donc, du 30 juillet, comme vous l'entendez, il y a vraiment assez de temps pour s'acclimater. Et dans le cyclisme, la Fédération nationale du cyclisme au Burundi a décerné ce lundi 8 vélos aux cyclistes. Ces vélos donnés par la Fédération africaine de cyclisme vont aider les cyclistes burundais de se préparer en conséquence pour les compétitions internationales prochaines, selon Hussein Nsengiyumva Désiré, secrétaire général de la Fédération burundaise de cyclisme. Aujourd'hui, nous présentons les vélos que nous avons eus à la Fédération internationale de cyclisme. Et nous profitons de cette occasion aussi pour solliciter l'appui au niveau de notre ministère de la Jeunesse des Sports pour qu'ils puissent aider nos fédérations en fait de préparer ces athlètes pour participer aux prochaines compétitions l'année prochaine des championnats d'Afrique, que ce soit les Jeux de la Francophonie, que ce soit les championnats d'Afrique de cyclisme qui aura lieu au mois de février 2017. En Égypte et aussi en Côte d'Ivoire. Au football, le capitaine de l'équipe Vitano, Lodi Mavugo, est en France depuis samedi dernier. Son meilleur buteur de l'année va passer un test qui va lui permettre de jouer en deuxième division en France. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez en Afrique du Sud, en Turquie, au Maroc ou partout ailleurs dans le monde. Au Maroc, le roi Mohamed VI a annoncé ce dimanche 17 juillet que le moment était arrivé pour que son pays retrouve sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Et en Turquie, au lendemain d'une tentative de putsch militaire, une vague d'arrestations a eu lieu ce dimanche. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la nuit à Istanbul en soutien au président qui reprend la situation en main. Et la 21e conférence internationale sur le sida s'ouvre officiellement ce lundi 18 juillet jusqu'à vendredi à Durban, en Afrique du Sud. L'objectif est toujours d'aller vers l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. Le point avec Kampala Moïse, stagiaire à notre station. Le Maroc vient de retrouver sa place au sein de l'Union africaine. Selon la RFI, le roi Mohamed VI a déclaré dans un message adressé au sommet de l'Union africaine qui se déroule à Kigali que ça faisait longtemps que leurs amis africains leur demandaient de revenir parmi eux pour que le Maroc retrouve sa place au sein de sa famille institutionnelle. Au roi Mohamed d'ajouter que le moment était arrivé ce dimanche que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Le royaume avait quitté l'Union africaine en 1984 pour protester contre la démission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Polisario. En Turquie, le pouvoir a poursuivi ce dimanche la reprise en main du pays, en particulier de l'armée et de la justice, après l'échec du putsch militaire de vendredi soir. Ce pays envisage désormais de rétablir la peine de mort pour les partisans du coup d'État. À la suite de ce coup d'État manqué, écrit la RFI, plusieurs milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées dans la nuit de dimanche à lundi sur la place Taksim à Istanbul afin d'apporter le soutien au président Recep Erdogan qui a pour sa part réitéré son appel à descendre dans la rue malgré la mise en déroute des putschistes. En Afrique du Sud, la 21e conférence internationale sur le sida s'ouvre officiellement ce lundi 18 juillet jusqu'à vendredi à Durban. L'objectif est toujours d'aller vers l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. Quelques 18 000 participants venus du monde entier vont prendre part à cette 21e conférence mondiale sur le sida à Durban. L'événement est chargé d'un sens particulier puisqu'il marque le retour de la conférence mondiale sur le continent africain. Elle se tient 16 ans après la précédente conférence de Durban qui avait marqué un tournant dans la prise de conscience mondiale sur l'épidémie grâce notamment à un discours de Nelson Mandela « Restez célèbres ». Merci Kampala Moïse, stagiaire à notre station. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana pour la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Bon après-midi.